Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des habitants de la province Kayanza affirment ne pas voir suffisamment les leaders politiques sur terrain pour leur présenter les projets de société alors que l'on s'approche des élections. Ceci avance le manque de carburant pour se déplacer partout. Dans ce journal, nous vous proposons un reportage personnalisé sur une femme faisant le convoyeur sur les bus de transport à mairie de Bujumbura. Notre reporter est monté à bord d'un bus allant du centre-ville vers Gasenyi, c'est au nord de Bujumbura. Et les recettes provenant de l'impôt locatif à Gitega ont drastiquement diminué de 2021 à 2023. Notre correspondant nous le dira. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Les habitants de la province Kayanza affirment ne pas voir pendant cette période préélectorale les hommes politiques sur la scène politique pour leur parler des projets de société qu'ils envisagent réaliser pour la population et pour le pays. Ils déplorent que même les projets présentés pendant leur propagande ne sont pas tous réalisés et demandent aux hommes politiques de tenir parole quant aux promesses qu'ils font avant les élections. C'est un micro-trottoir réalisé par notre correspondant à Kayanza, Patrick Saint-Guillaume. Deux projets, il les présente et la réalisation, on l'attend, mais en vain. La période de la propagande approche. Peut-être comme ça, ils nous parleront des projets d'avenir pour le pays et ils seront votés. En réalité, je peux dire qu'ils n'ont pas des projets sûrs pour le pays. Même ceux qu'ils présentent ne sont pas bien clairs. Nous attendons peut-être les jours à venir, ça marchera. Nous n'avons pas encore vu des politiciens sur la scène politique pour parler de leurs projets pour le pays. Des politiciens disent qu'ils réaliseront pour nous des projets de développement et nous attendons la réalisation de ces projets, mais en vain. Des fois, nous nous posons la question selon laquelle les politiciens ne seraient pas des menteurs, car beaucoup ne tiennent pas parole quant aux promesses faites. Je ne les vois pas. Moi, personnellement, beaucoup du temps, je suis ici sur cette route. Je ne vois pas des politiciens venir me parler des projets d'avenir pour le pays. C'est nous, la population, qui endure les conséquences. Le politicien vient te manipuler sans tenir parole et des promesses faites. Voilà, les élections approchent. Nous les verrons venir. Pour le moment, le problème qui nous hante le plus, c'est la pénurie du carburant. Nous sommes victimes de tous les maux, car s'il n'y a pas du carburant, les conséquences sont multiples. Même si l'on gagne de l'argent. Arrivé au marché, les prix sont très élevés. En réaction à ces plaintes de la population de Kayanza, comme d'ailleurs celle des autres provinces, le président du parti CDP explique que la pénurie du carburant handicape la mobilité des leaders politiques pour aller présenter leurs projets de société à leurs militants à travers le pays. Anissé Niyonguru trouve que les partis politiques devraient bénéficier d'une certaine faveur pour s'approvisionner en carburant pour le bon déroulement de leurs activités. De son côté, le président du parti Uprona rappelle que les partis politiques ont le droit de présenter leur programme politique, leur projet de société seulement en période de campagne, comme l'indique la loi régissant les partis politiques. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, les recettes provenant de l'impôt locatif vont en régressant en province Gitega depuis les trois dernières années, a indiqué le porte-parole de l'Office burundais des recettes OBR lors d'une réunion organisée ce mercredi à Gitega à l'intention des administratifs et des représentants des contribuables. De fausses déclarations seraient une des causes de cette baisse sensible, ont expliqué certains participants. Les détails avec notre correspondant Gérard Nibigira. Selon le porte-parole de l'Office burundais des recettes Aubert, M. Staningendakumana, les recettes issues de l'impôt locatif ont sensiblement diminué depuis les trois dernières années dans la province de Gitega, d'où alors une réunion à l'intention des administratifs de la province de Gitega à tous les niveaux, des représentants des commerçants et d'autres dans cette province a été organisée ce mercredi pour échanger sur les causes de cette diminution et des solutions y relatives. Les recettes issues de cet impôt en province de Gitega régresse d'une année en année. Si nous devons prendre l'exemple des trois dernières années, nous constatons que en 2021, les recettes de la province de Gitega étaient évaluées à 292 051 618. En 2022, 212 130 640 et en 2023, 169 333 703. Vous constatez que la courbe descend pour cette catégorie de recettes et pour cette province de Gitega. Et c'est pour cette raison que nous avons cherché à échanger avec les partenaires sur les stratégies à adopter ensemble afin de voir où est le problème, qu'est-ce qui doit être fait par les uns les autres. Le conseiller de l'administrateur de Gitega ayant le développement dans ses attributions, Monfort Wigilimana, parle de fausses déclarations de certains contribuables par rapport à l'impôt locatif comme une des causes de cette diminution. À propos, Ndakumana Stani souligne que l'administration et l'OBR vont désormais collaborer pour éviter les fausses déclarations à l'OBR. Et nous avons convenu ensemble avec l'administration que l'administration doit mettre en place un groupe, une équipe qui doit faire des rapprochements avec une équipe de l'OBR et procéder aux vérifications plus approfondies pour voir qui a fait de fausses déclarations en minorant ou en faisant je ne sais quoi et doit être sanctionné comment. Il demande en fait à tous les propriétaires de maisons et autres infrastructures louées d'approcher les structures de l'OBR et qui leur sont proches pour s'informer convenablement sur tout ce qui a un rapport avec les impôts locatifs. Depuis Gitega, Jeanne Bigila pour la radio Isanganiro. Et puisqu'on parle de l'OBR, cet office a reçu ce mercredi 5000 machines à facturation électronique distribuées par le ministre des Finances, Nestor Naonouye, qui a offert ses outils de travail en signalant qu'ils vont faciliter la tâche aux contribuables et aux agents de l'OBR pour savoir comment gérer les stocks et connaître l'état d'avancement du niveau de perception des taxes. Il interpelle tout contribuable à récupérer ses machines au risque de s'exposer aux sanctions prévues. On avait introduit la machine à facturation électronique qui est obligatoire pour tout contribuable et qui doit l'utiliser. On avait déjà distribué 3000 machines aux contribuables et maintenant on vient d'acquérir et de paramétrer les 5000 nouvelles machines et qui vont aider à nos contribuables dans leurs activités, je dirais, de commerce ou de business. Cela va aider même le contribuable parce que nous avons mis une application qui leur permettra de gérer le stock, mais aussi de voir le chiffre d'affaires, mais aussi de voir l'état d'avancement du niveau des taxes pour lequel il est. Et cela permettra aux contribuables, mais aussi aux agents de l'OBR d'avoir des facilités, que ce soit du temps, et que ce soit d'analyse des données sur le stock, sur l'impôt, sur les taxes, mais aussi sur les bases de données de ce qu'ils sont en train de faire dans leurs affaires. Nous demandons à tout contribuable de venir à l'OBR pour prendre ces machines électroniques. Parce que comme la loi l'exige, tout le monde est obligé d'utiliser la machine à facturation électronique. Et s'il ne l'utilise pas, il y a des sanctions qui sont prévues. Les nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées vont faciliter aussi les contribuables, mais aussi les transactions qu'ils vont faire avec les clients. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Venons-en maintenant au reportage que j'annonçais dans les titres. Une femme faisant le convoyeur peut parvenir à se prendre en charge et faire vivre sa famille grâce à ce travail. Témoignage de Violette Nyonzima qui exerce en mairie de Bujumbura. Les passagers empruntant les bus de transport en commun apprécient son comportement à leur égard, contrairement à ce que font ses collègues masculins. Cela est confirmé par Sylvestre Barutwanayo, chauffeur de bus. Jean-Marie Vianney Ngendakumana a fait le trajet centre-ville de Gasegni à bord d'un bus que convoyait Violette Nyonzima. Son constat. Quand on trouve un client qui a bu, quand on est en train de commencer à le dur de payer le bus, il commence à parler plusieurs mots. Elle s'appelle Violette Nyonzima, c'est une mère de 4 enfants. Elle exerce le métier de convoyeur dans la ville de Bujumbura sur l'axe ex-marché de Bujumbura vers le quartier nord dans le transport en commun. Elle indique qu'elle était enseignante dans les écoles privées avant d'entamer son métier de convoyeur. J'étais enseignante dans les écoles privées. Alors, le travail avait terminé. C'est pourquoi alors j'ai choisi de faire ce travail. Les passagers qui sous-estiment les femmes et ceux qui refusent de payer le bus suite à l'état d'ivresse sont certains défis auxquels fait face Violette Nyonzima dans son métier. Dans ce travail, il y a beaucoup d'inconvénients. Même si il y a beaucoup d'inconvénients, je ne regarde pas les inconvénients, mais je regarde les avantages. Parce que dans tous les travaux qu'on fait, on ne manque pas des inconvénients. Ce qui est très important, c'est que je reçois à la fin du mois. Les gens des inconvénients, par exemple, on peut trouver un client qui a bu. Quand on trouve un client qui a bu, quand on est en train de commencer à le dur de payer le bus, il commence par exemple à parler plusieurs mots. Moi, ça ne me fait rien parce que ce qui est très important, c'est mon objectif. Malgré cela, cette femme convoyeuse indique qu'elle parvient à aider son mari à subvenir aux besoins familiaux, notamment la ratio et la scolarité de leurs enfants. Les avantages que j'ai trouvés dans ce travail, c'est que on me donne le salaire à la fin du mois. On est de la famille. Nous partageons les travaux avec mon mari. Si par exemple, mon mari manque de l'argent pour satisfaire le minerve des enfants, moi aussi, je l'aide. Je l'aide aussi à payer la ration. Quand on cria, ils se réjouissent de l'accueil chaleureux de cette dame car ils sont dans le bus. Cette femme nous donne un accueil chaleureux lorsque nous sommes dans le bus de transport en commun. Elle est différente des garçons convoyeurs qui affichent plus souvent un comportement indigne. Cette femme est courageuse et exerce son métier de façon professionnelle par rapport aux garçons. Elle affiche très souvent la politesse. Même son de croche avec Sylvestre Bartwanayo, chauffeur de bus et collègue de Violette Nyonzima. Moi, en tant que chauffeur de Violette Nyonzima, je me réjouis de la manière dont elle exerce son travail. Elle ne se chamaille pas avec ses clients, mais plutôt, elle les accueille avec respect. Il y a certains des clients qui la sous-estiment, mais elle essaie de se saisir pour satisfaire nos clients. Au moment où le mois de mars est dédié à la femme, Violette Nyonzima exhorte les autres femmes à ne pas croiser les bras, mais surtout de travailler dur pour leur développement. Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. L'incapacité pour plusieurs médias à couvrir certaines zones au nord et au sud du pays s'explique par le fait que la plupart des propriétaires de ces médias préfèrent les implanter à Bujumbura. À cela s'ajoute l'usage des émetteurs qui n'ont pas une portée efficace d'émission. Ceci est dit par le directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications après les grognes d'attendre plusieurs années des populations vivant dans ces zones sans couverture. Samuel Mouhizi rassure qu'avec l'appui des partenaires, le gouvernement burundais a déjà lancé des projets d'extension de la couverture médiatique dans ces zones. On l'écoute. Au Burundi, nous avons plus d'une cinquantaine de radios. Mais vous trouverez que 90% sont concentrés à Bujumbura. C'est là où vous verrez qu'à Bujumbura, c'est rare que vous entendez des radios étrangères, malgré que Bujumbura se trouve non loin du Congo. Ça fait que la plupart des zones là sont vides. Il n'y a pas de signal de radio burundais. Nous avons émis des recommandations auprès des fournisseurs de contenu, des numéros radio, afin qu'ils étendent la couverture de les radios. Mais également, certains ont commencé déjà à étendre, commençant par le projet du gouvernement de couvrir toutes les zones d'ombre en matière d'émissions radio. Puis à la RTNB, il y a un projet d'extension de beaucoup de sites Mais une seule radio ne suffit pas. Il faut plusieurs radios qui peuvent occuper la bande FM. Comme ça, la population ou l'espace devient plus ou moins occupé. Quand l'espace est vide, les émissions radioélectriques ont tendance à se propager. C'est là où vous verrez, par exemple, que si une radio est coupée, vous commencez à entendre des émissions d'une autre radio, alors que quand la radio était active, il n'y en avait pas. Donc, ça renseigne sur le fait que quand la fréquence ou l'espace est vide, il y a tendance à réception des signaux, voilà. Donc, nous avons émis ces recommandations. Nous travaillons avec le ministère et les partenaires. Des projets d'appui aux médias pour l'extension dans ces zones sont en cours d'analyse. Au niveau de la certaine, nous disponibilisons des ressources en fréquence pour les extensions. Nous attendons quand même qu'il y ait un changement d'approche pour les radios afin qu'ils ne se concentrent pas uniquement à Bujumbura, mais qu'ils fassent les extensions. Nous avons un projet quand même de sensibiliser dans l'extension ou faciliter l'extension. Nous avons déjà soumis la proposition pour la minimisation des redevances sur les fréquences d'extension des radios. Comme ça, ça permettra par exemple, si Isanganiro veut étendre cette émission dans ces zones-là qui n'étaient pas couvertes, de minimiser les redevances sur les fréquences, parce que ça permettra de stimuler le besoin d'extension dans ces zones jugées non rentables où il n'y a pas quand même une très grande concentration de population. 19 personnes de la commune Gahombo en province de Kayanza ont été victimes de la morsure des chiens errants depuis février dernier dans le district sanitaire de Gahombo. L'on parle de la rupture du stock des vaccins anti-rabies que les autorités administratives communales Gahombo plaident pour la disponibilisation de ces vaccins et demandent à la population de continuer à chasser ces chiens errants. Un enfant de 5 ans a été tué ce mercredi soir sur la colline Massama en zone Guiheta de la commune Marangara en province Ngozi. À l'origine de ce meurtre, des querelles entre deux hommes voisins qui seraient ivres. L'un de ces hommes a pris la machette et a décidé de se venger en tuant cet enfant d'après des informations recueillies sur place. Des voisins qui venaient au secours ont trouvé cet enfant déjà mort. Selon l'administrateur de la commune de Marangara, Goret Nshimirimana indique que le présumé auteur de ce meurtre est déjà dans les mains de la police pour confection de son dossier. Cette autorité demande aux personnes ayant des problèmes d'approcher les autorités au lieu de se laisser emporter par la colère. Et certains leaders des confessions religieuses estiment que les cautions exigées pour les candidats aux élections et surtout les communales seraient l'un des obstacles majeurs qui ne leur permettent pas de se faire élire. Le chargé de la communication au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI trouve que la situation restera ainsi tant que la législation relative ne sera pas révisée. C'est ce qui a été soulevé ce mercredi lors d'un atelier de l'organisation militant pour la paix Tia Found sur le rôle des confessions religieuses au cours des élections. On fait le point avec Claude Itangishak. Les participants à cet atelier se sont focalisés sur les défis qui se marquent dans le processus électoral, notamment qu'ils qualifient de discrimination basée sur les cautions exigées alors que certains n'en ont pas de potentialité. Puisqu'on exigeait le double de l'effectif des candidats électoraux et que certains n'en trouvent pas, ils sont rayés automatiquement alors qu'ils le souhaitaient. Concernant la loi qui exige les cautions, si on compte pour les vulnérables qui n'en trouvent pas, ils sont bloqués alors qu'ils avaient cette passion de se faire élire. En cette période, il se remarque des gens qui se croient riches par leurs argents peut-être détournés et qui figurent toujours sur les listes. D'autres estiment que le double de candidats requis sur les listes bloque les informations politiques qui ne peuvent pas les totaliser. Cela se trouve dans la loi électorale et la CENI n'a qu'à mettre en application les lois régulièrement votées. Il y a aussi ceux qui manifestent des inquiétudes par rapport à l'indépendance de la communication au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je voudrais vous demander, est-ce que réellement la CENI est indépendante à travers tous ces dénombrements? Ne voyez-vous pas qu'il y en a déjà qui dictent pour leurs intérêts afin de détourner la CENI? François Bizimana, commissaire à la CENI chargé de l'éducation électorale et la communication, indique que la commission fait tout pour l'intérêt général tout en respectant la loi, mais il n'ignore pas qu'il y aura des pressions. Mais pour lui, la CENI essaie de rester impartiale. Des tentations ne peuvent pas manquer, mais nous essayons de rester impartiales. Il faut prier pour nous afin que nous restions debout. L'organisation Tiafound, qui a organisé cet atelier de 3 jours depuis ce mercredi, interpelle ces leaders religieux de sensibiliser les citoyens pour qu'ils répondent au prochain rendez-vous d'élire et de se faire élire. C'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.